Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mi-Science Impossible est une émission où je suis accompagné des agents Justine. Bonjour Justine. Eh bien bonjour Bertrand et bonjour à tous. De l'agent Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour les amis et bonjour à tous les auditeurs. Et moi-même Bertrand. Et nous sommes tous les trois des élèves à l'ENSIC. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons vous expliquer en détail le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques, tous plus intéressants les uns que les autres. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie plein de choses, notamment la physique et la chimie dans les thèmes de l'énergie et de l'industrie. Mais bon, trêve de mondanité. Entrons dans le cœur du sujet, eh bien, les sujets. Gaëtan, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Pour suivre la chronique précédente, je vais continuer à vous parler de l'incroyable élément phosphore. Nous verrons ensuite pourquoi nous avons et utilisons deux types de pneus, ceux pour l'été et ceux pour l'hiver. Et de ton côté, Justine ? Alors, dans un premier temps, je vous parlerai des parfums et comment. Et comme nous avons déjà vu comment fonctionne l'odorat, nous nous concentrerons sur leur fabrication. Puis je vous donnerai 6 faits étranges ou surprenants concernant le diamant. J'en connais qui seront on ne peut plus attentifs aujourd'hui. Gaëtan, cesse de nous faire languir. Nous t'écoutons. Donc, je vous propose de nous replonger sur ce que nous savons à propos du phosphore. Je vous avais raconté, le 30 avril donc, la fabuleuse histoire de sa découverte. Son papa, un alchimiste allemand du nom de Henning Brandt, a eu la bonne idée de vouloir trouver de l'or dans l'urine humaine. Et si je vous la fais très courte, la succession des expérimentations qu'a menée l'Allemand a abouti à la formation d'une substance blanche capable d'émettre de la lumière dans une pièce totalement obscure. Le phosphore est donc sa phosphorescence. Voilà où nous en étions arrêtés. Nous allons maintenant pouvoir retracer l'histoire de cet élément chimique jusqu'à arriver à la fabrication des allumettes de sûreté. Donc, si on remonte un peu dans le temps, on a l'apparition des premières allumettes modernes à friction, telles que nous les connaissons aujourd'hui, aux alentours de 1826. Et ces objets ont été imaginés par l'anglais John Walker. La tête de l'allumette contient différents éléments chimiques, dont celui qui va nous intéresser, le chlorate de potassium. L'action de frotter une allumette sur une surface recouverte de notre fameux phosphore et de peroxyde de manganèse va permettre d'allumer l'allumette. Enfin, tout cela était ce qui devait se passer. En réalité, les premières allumettes s'enflammaient pour un oui ou pour un non, sans forcément avoir à frotter sur notre plaquette phosphorée. Sur une table ou sur le sol, ça suffisait largement. Heureusement, maintenant, c'est plus sûr et on peut s'y reprendre deux fois si on ne frotte pas correctement. Ce premier modèle, donc, était d'une extrême dangerosité pour ses utilisateurs. En plus de cela, les composés chimiques utilisés pour la fabrication des allumettes mettaient clairement en danger la vie des personnes qui travaillaient dans les usines de fabrication. Nous sommes donc petit à petit arrivés à l'allumette moderne, qu'on appelle aussi l'allumette de sûreté. Sûreté, car cette fois, on est sûr et certain que seule l'action de frotter la tête de l'allumette sur le côté abrasif de sa boîte lui permet de s'enflammer. En fait, la tête rouge vive de notre allumette contient le chlorate de potassium, qui était déjà présent dans notre premier modèle de 1826. La surface latérale de la boîte est, elle, marron ou un peu plus rougeâtre, car elle possède du phosphore rouge à sa surface. J'en parle uniquement maintenant, mais oui, il existe différentes formes de phosphore, et elles se distinguent notamment par leur couleur. On s'est mis à utiliser du phosphore rouge, et à le troquer contre son homologue blanc, qui était au début utilisé, parce que le premier est nettement moins inflammable et surtout bien moins toxique que le second. Ainsi, plus de raison que les allumettes s'enflamment entre elles dans leur petite boîte, et on peut être sûr de ne pas risquer d'incendie. Frotter les deux éléments, donc la tête, sur le côté de la boîte, vient donc mettre en contact notre ami le phosphore et son compagnon le chlorate de potassium. Le frottement vient, si vous me le permettez, mettre le feu aux poudres et le tout s'enflamme à cause de l'échauffement provoqué par le frottement. En plus, petite anecdote, on retrouve aussi le mélange phosphate-chlorate de potassium à la base des feux d'artifice. Et nous voilà maintenant rassurés, l'allumette s'enflamme bien gentiment quand on le souhaite. Ce que j'adore avec ces chroniques historiques, c'est de voir à quel point des choses a priori sans aucun rapport, comme l'urine et le feu, peuvent avoir en fait une histoire commune. Et en attendant la prochaine chronique, nous allons faire une courte pause musicale avec Perfume de Regan Bollman. The scent of skin and bone puts end to all our woes, brings empires to a halt, steals the breath from lungs. The fragrance of love can tear a man apart. Long way from home, trace of her perfume is all I got. The first note descends enough to stop a heart. The third note may cause a familiar sense of home. The fragrance of love can tear a man apart. Long way from home, the trace of her perfume is all I got. Time ticks like a slow tap drips down a hole, waiting for the bright lights and the curtain call. And I don't feel myself. Feel like a hopeless soul. Fragrance of love can take. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique « Mi-science impossible ». La Janga étant venait à l'instant de nous expliquer, de nous raconter l'histoire du phosphore au travers des allumettes. Et Justine va à présent nous parler d'un sujet plutôt parfumé. Nous l'écoutons. Alors, on les utilise très fréquemment et on les aime pour leur odeur florale, sucrée, fruitée ou encore épicée. Je parle bien sûr des parfums. Il en existe une multitude chez différents créateurs, avec des flacons toujours plus originaux. Peut-être est-il alors intéressant de voir comment on arrive à fabriquer tout cet éventail de parfums. Eh bien, pour cela, il faut d'abord, bien sûr, des matières premières. Et là, on peut déjà faire une différence entre les matières qui seront naturelles et celles synthétiques. Qu'est-ce qu'on trouve déjà au niveau des matières naturelles qui sont utilisées? Il y a évidemment les fleurs. Elles semblent être d'assez bons candidats du fait déjà de leur variété d'odeur. Mais certaines espèces vont s'avérer plus fragiles que d'autres et donc leur traitement pourra aussi être plus coûteux. Ensuite, on a les fruits, eux aussi nombreux, où on utilise là plutôt leur écorce. On peut aussi avoir les épices comme les bâtons de cannelle. On va aussi utiliser l'écorce d'arbre pour l'odeur boisée. Enfin, au niveau des animaux, on retrouve le musc qui est la sécrétion odorante d'une glande. Ensuite, au niveau des matières synthétiques, Eh bien, elles sont tout simplement créées en labo par des réactions chimiques, ce qui permet de créer des odeurs qui n'existent pas naturellement. Et au final, elles représentent la majorité de la composition du parfum. Mais alors ça ouvre la porte à des possibilités quasi infinies. Bien, maintenant voyons un peu comment on extrait. Maintenant voyons un peu comment on extrait ces odeurs des plantes et des fruits. Il existe alors deux méthodes, qui vont être la distillation et l'extraction. Alors, pour parler un petit peu des deux. Tout d'abord, la distillation. C'est une technique qu'on utilise d'ailleurs pas mal dans notre école. Eh bien, pour ça, on utilise donc un alambic. C'est en fait une grande cuve avec des serpentins. On place les plantes ou les fruits dans la cuve avec de l'eau qu'on fait bouillir. Les vapeurs vont aller dans les serpentins, où elles vont se condenser, donc ça veut dire devenir liquide, et donc on pourra récupérer plus facilement. On a alors l'huile essentielle mélangée à de l'eau. Reste enfin à séparer les deux. Ensuite, pour l'extraction, on va aussi mettre notre élément dans une cuve, mais cette fois-ci avec un solvant, comme de l'alcool ou encore du CO2. On y ajoute de l'eau et on fait chauffer. Après évaporation, on a une cire qu'on mélange à de l'alcool pour enlever la partie huileuse. On filtre et on purifie et on obtient également des extraits très puissants. Enfin, pour passer à la composition, vous avez sûrement déjà entendu parler des nez, qui vont réussir à associer de la meilleure façon possible tous les extraits pour obtenir le meilleur assemblage. Et pour la production, eh ben, on mélange les huiles essentielles dans des cuves avec de l'alcool, on laisse macérer, et voilà, vous pouvez vous parfumer à volonté. Eh bien, merci Justine. On comprend nettement mieux maintenant comment faire un parfum simplement. Quittons à présent l'ambiance fleurie de nos parfumeries, passons la troisième et partons à toute barzingue sur nos routes favorites pour découvrir les pneus que Gaëtan va maintenant vous présenter. Eh oui, pour les plus assidus d'entre vous, Justine nous avait parlé du processus de fabrication du caoutchouc dans une émission précédente. Je ne sais pas pour vous, mais quand on évoque ce matériau, moi je pense tout de suite au pneu qui en est en partie composé. Et vous allez voir, sans avoir besoin de mettre la gomme, nous allons prendre le temps de savoir pourquoi il y a une distinction entre les pneus été et les pneus hiver. Le caoutchouc, tout d'abord, qui compose les pneus de nos voitures, appartient à une famille de matériaux que l'on appelle des polymères. Là, une petite définition s'impose. Un polymère, c'est en fait une association de ce que l'on appelle des macromolécules. Comprenez ici une très très très très très grande molécule, si grande qu'elle en est même visible à l'œil nu. Donc, un polymère, c'est tout simplement une immense molécule avec des propriétés physiques bien spéciales. Pour la gomme des pneus, on parle même d'élastomère, c'est-à-dire un polymère avec des propriétés élastiques, ce qui est bien utile pour que le pneu adhère correctement à la route. Ce n'est pas comme les roues d'un skateboard, qui sont très rigides et qui font valser le skateur au moindre petit caillou qui s'interpose sur sa route. Là, la souplesse, l'élasticité du pneu donne une bonne adhérence au véhicule en épousant bien la route, si le sol est sec, bien sûr. Mais c'est là notre point clé. Les propriétés de dureté ou d'élasticité des polymères dépendent de la température ambiante. En effet, il existe une température à partir de laquelle on passe d'un matériau souple, malléable, élastique, à un autre totalement dur comme la pierre. C'est la température de transition vitreuse. Quand on est au-dessus, pas de problème, le polymère est souple, tendre, mais dès qu'on passe en dessous, en hiver donc notamment, le matériau se rigidifie notablement et ainsi, une même espèce change radicalement de propriété. Et si le pneu est très rigide, là on a des problèmes de sécurité car on perd l'adhérence sur la route. Les pneus hiver sont donc faits à partir d'un procédé différent de leurs copains de l'été et ainsi, ils ont une température de transition vitreuse très très très très basse et les températures négatives de l'hiver ne sauraient les durcir et leur faire perdre toute leur adhérence. Et pour ceux d'entre vous qui se disent Mais alors, pourquoi ne pas mettre des pneus hiver toute l'année, puisqu'ils ne durcissent jamais? à cela, je réponds que le problème est que le pneu hiver est trop souple s'il est maintenu en été. Cela induit plus de frottements au sol et cela va automatiquement abîmer davantage votre pneu et vous faire consommer plus d'essence. Pour finir, comme les collections de mode, le pneu doit s'adapter à la saison. Maintenant, j'espère que vous savez comme moi pourquoi nous changeons nos pneus en fonction de la saison. Eh bien, merci pour ces explications, Gaëtan, et nous allons nous retrouver juste après un tout petit interlude musical avec On the Road Again de Bernard Lavilliers. large dépôt, bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus loin. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Gaëtan venait à l'instant de nous expliquer pourquoi nous changeons de pneus entre l'été et l'hiver, et Justine, juste avant, nous avait parlé de parfum. Maintenant, elle va nous parler d'un petit bijou de cette terre. À toi, Justine. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous présenter cette chronique un peu différemment de d'habitude, car je vais tout simplement vous exposer 6 faits sur cette pierre précieuse qui est le diamant. Alors ouvrez grand les oreilles. Fait numéro 1, le diamant est uniquement composé de carbone, qui est l'élément chimique présent dans plus d'un million de composés, et à atomes indispensables à la vie. Fait numéro 2, le diamant est le matériau naturel le plus dur qui existe. Vous pouvez taper dessus avec un marteau ou rouler dessus avec un rouleau compresseur, votre diamant en sortira intact. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise en industrie pour faire de la découpe, par exemple. Et de même, vous ne pouvez rayer un diamant qu'avec un autre diamant. Fait numéro 3, sa grande résistance lui vient en fait de sa structure cristalline. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est comment sont arrangés les atomes, ici de carbone, à l'échelle microscopique. Dans son cas, les atomes sont disposés selon un réseau cubique. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez un cube et vous mettez un atome à chaque sommet et aussi au centre de chaque face du cube. C'est donc une structure très organisée et alors très solide. Fait numéro 5, on dit que le diamant est une forme allotropique du carbone. En effet, le carbone peut aussi être sous forme, ce qu'on appelle le graphite. C'est en gros les mines des crayons de bois. Et bon, avoir un cristal de graphite sur un bijou, ça fait un peu moins rêver. En fait, le carbone va être sous l'une ou l'autre des formes selon la pression et la température du milieu. Généralement, le diamant naturel se forme à quelques centaines de kilomètres de profondeur et il faut alors une température de 1000 à 1500 degrés et une pression de 4,5 à 6 gigapascales. Pour vous représenter un peu, ça fait alors 45 000 fois à 60 000 fois la pression atmosphérique. Et malheureusement, il se trouve que l'énergie, en fait, pour se mettre sous forme graphite est beaucoup plus faible. Donc, il est beaucoup plus facile d'en avoir, donc d'avoir du graphite, que du diamant. En fait, le graphite va plus facilement se faire. Mais la vitesse de transformation étant très faible à notre échelle, on a aussi l'impression que le diamant est éternel. Mais en fait, non, il se transforme sans cesse. Enfin, fait numéro 6, vu sa rareté et son prix, on a réussi en labo à recréer des diamants de synthèse. Ou bien sinon, on utilise d'autres pierres précieuses qui lui ressemblent beaucoup, comme l'oxyde de zirconium pour l'utiliser sur des bijoux. Et voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce magnifique diamant. Eh bien, merci à toi, Justine. Nous en savons effectivement, comme tu viens de le dire, plus sur les diamants maintenant. Bon, vous connaissez l'émission. Vous savez ce qui arrive maintenant. Il est temps, Justine, des idées ? Ah, on se demande, hein ? C'est l'heure du quiz. Exactement, c'est l'heure du quiz. Le quiz d'aujourd'hui, comme tous les quiz, a un thème. Et le thème en question vient tout droit du traumatisme que j'ai subi tout à l'heure quand un adolescent de mon âge canonique, je sais combien moi maintenant, j'ai 22 ans, quelque chose comme ça, il devait avoir mon âge, il m'a appelé monsieur. Et à partir de là, je me suis dit, bah, quelles sont les différentes périodes de la vie et qu'est-ce qui les distingue ? D'où le quiz d'aujourd'hui. Je vais à chaque fois vous donner quelques informations sur les différentes tranches d'âge et vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou fausses. Donc, bon, c'est pas vraiment un âge. C'est les bébés. Quelles sont les informations fausses parmi les suivantes. Information 1. Le crâne d'un nouveau-né n'est pas un bloc. Il est simplement constitué de plusieurs plaques qui ne sont pas fixées les unes aux autres, mais qui se fixent au fur et à mesure. Fait numéro 2. 20% des naissances sont des naissances multiples, donc jumeaux, triplés, quadruplés, etc., etc. Troisième fait, les bébés ne ressentent pas la douleur. Quatrième fait, 5% des bébés qui naissent ont des malformations cardiovasculaires. Alors. Eh bien, moi, je dirais qu'il y a une proposition fausse et que c'est la deuxième, donc sur le fait qu'il y ait 20% de naissances multiples. D'accord, une pour toi et c'est la deuxième. Justine. Bah, je vais déjà rejoindre Gaëtan parce que 20%, ça me semble un peu grand. Mmh. Sinon, la première, je sais qu'elle est vraie. Tu peux redire un petit peu les deux dernières, s'il te plaît ? Les deux dernières. Donc, les bébés ne ressentent pas la douleur et 5% des bébés qui naissent ont des malformations cardiovasculaires. Donc, des malformations au niveau du cœur. Ouais, alors, le fait qu'ils ne ressentent pas la douleur, pour moi, c'est faux aussi. Donc, pour moi, ils ressentent bien la douleur. D'accord. Donc, on serait sur deux réponses fausses pour le moment. La dernière, j'ai pas trop d'avis, mais je vais la laisser en vrai. La laisses en vrai, ça marche. Alors, vous aviez raison, effectivement, sur la première réponse, le crâne d'un nouveau-né n'est pas un bloc. Effectivement, c'est vrai. Après, je suis content de vous avoir eu tous les deux. Effectivement, 20% des naissances sont des naissances multiples. il y a... Alors, les statistiques, c'est celle de l'année 2017, en l'occurrence. Il y a eu un petit peu plus de 17,3% de jumeaux, 2,5% de triplés et autres, on est, ça complète à peu près, on arrive à 20%. D'accord. Ce qui est énorme, je suis d'accord avec vous. Ouais, ça, j'aurais pas pensé. Le troisième fait, c'est l'idée reçue, effectivement, que les bébés ne ressentent pas la douleur. Effectivement, c'est faux. N'allez pas maltraiter votre bébé, enfin, surtout ne faites pas ça. Mais, oui. Ils ressentent la douleur et ils la ressentent d'ailleurs de manière trois fois plus intense que nous. Enfin, nous, adultes. Et j'ai dit que j'étais encore jeune tout à l'heure. Je suis un jeune adulte, voilà. Ensuite, j'ai dit que 5% des bébés qui naissent ont des malformations cardiovasculaires. C'est faux. C'est 15%. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Si, si. Je vous jure, j'ai été très, très surpris en trouvant ces informations que j'ai vérifiées. C'est bien les statistiques. Je vous propose... Incroyable. De quoi? Excuse-moi. Je dis incroyable. Oui, je suis d'accord. Après, c'est peut-être des malformations mineures. Ça impacte peut-être pas forcément leur vie ensuite. Oui. Normal, généralement, c'est traité assez rapidement. Ouais. Ensuite, deuxième tranche d'âge. On a traité les bébés, on va pas forcément traiter les enfants. J'ai pas très envie de traiter les adultes maintenant, on va traiter entre les deux. Ça vous va? Parfait. Parlons des adolescents. Fait 1. L'adolescence chez les filles est marquée par l'apparition des règles. Fait 2. Une personne sur 6 est adolescent sur la planète. Fait 3. C'est pendant l'adolescence que les individus regardent leur premier film à caractère pornographique en moyenne. Fait 3. Un adolescent sur 2 joue quotidiennement aux jeux vidéo sur n'importe quel support, téléphone, PC, console, etc. D'accord. Eh bien, moi, je pense que la deuxième et la dernière sont fausses. D'accord. Alors, la deuxième. Donc, c'est une personne sur 6 est adolescent sur la planète. Tu dirais plus ou moins? Je pense que c'est un petit peu plus. D'accord. Et sur les statistiques des adolescents sur les jeux vidéo? Je pense que c'est plus parce que le fait d'avoir accès aux jeux sur portable, ça, pour moi, ça offre un plus large panel que simplement 50%. Mmh. Ok. Justine? Je vais rejoindre si Gaëtan encore sur la deuxième. Et je pense que je vais rester que sur ça cette fois-ci. D'accord. Alors je vais commencer par toi, Justine. Hein. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as 100% de mauvaises réponses. Ah bah très bien. En fait, l'adolescence chez les filles, c'est exactement la même chose que l'adolescence par les hommes en termes de date de début. C'est-à-dire qu'on considère que l'adolescence commence à partir du moment où les premiers poils pubiens apparaissent. Et c'est en moyenne 2 ans avant les premières règles. Voilà. La statistique disant qu'une personne sur 6 est adolescent sur la planète, c'est vrai. Bon, à peu près. C'est-à-dire que 1 sur 6, ça fait 18,8% de mémoire. La statistique, c'est 19,1%. D'accord. Vous voyez qu'on est à peu près sur les mêmes choses. Ensuite, j'ai dit que pendant l'adolescence, les individus regardent leur premier film à caractère pornographique. C'est faux, c'est plus tard en moyenne. J'ai été très surpris par cette information. En moyenne, les femmes regardent leur premier film pornographique à 24 ans et les hommes à 25. Et ça m'a énormément surpris. Je m'attendais à beaucoup plus tôt. Ensuite, un adolescent sur deux joue quotidiennement aux jeux vidéo. Et effectivement, c'est complètement faux. T'aurais dit combien, Gaëtan? Au moins 75%, ouais. Et effectivement, c'est au moins 75%. Entre 10 ans et 24 ans, 90% des individus jouent quotidiennement aux jeux vidéo. Oui, effectivement. Oui, effectivement, c'est une belle génération qui arrive. Il faut que j'arrête de parler comme un vieux, on va encore m'appeler monsieur. En parlant de vieux, ce sont eux qui sont concernés par les faits qui vont arriver. La troisième question, donc. Fait numéro 1. Les vieux, donc alors j'appelle vieux 60 ans et plus. Me regardez pas comme ça, enfin, de toute façon, vous pouvez pas. Mais c'est pas moi qui décide, vieux, c'est à peu près 60 ans que ça commence par là. Donc les vieux 60 ans et plus représentent 30% de la population mondiale. Fait numéro 2. les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Fait numéro 3, la personne la plus vieille encore vivante est une femme. Fait numéro 4, l'espérance de vie en France des hommes est de 5 ans moindre que celle des femmes. À vous. Bien, je veux dire que pour moi, la personne la plus âgée en ce moment dans le monde est un homme et non une femme. Donc pour moi, la troisième est fausse. D'accord. C'est tout ? Oui, je vais jouer petit. Tu joues petit, ça marche. Justine ? Moi, je vais plutôt aller sur la dernière qui serait fausse. Je pense que l'écart est un peu plus petit quand même que 5 ans. D'accord. Alors, j'aime bien parce que dès que je commence à balancer des statistiques, tout de suite, j'arrive à vous avoir. Donc, les vieux de 60 ans, donc 60 ans et plus, représentent non pas 30, mais 40% de la population mondiale. Ah oui. Ça commence à faire quand même. Effectivement, c'est une idée reçue qui est vraie. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ouais. Ça revient d'ailleurs à ma dernière question. C'est pas des questions, c'est des faits. Effectivement, la personne la plus vieille encore vivante est Gaëtan. Bah, un homme, pour moi. Et non, c'est une femme. Et voilà. J'adore faire ça. Je sentais le piège dans la question. Là. Tu as bien sorti. Effectivement, c'est une japonaise qui a actuellement 118 ans. Il y a eu des hommes qui ont vécu plus longtemps que ça, mais ils sont morts actuellement. Et l'espérance de vie en France des hommes est de 5 ans moindre que celle des femmes. Tu m'as dit quoi tout à l'heure, Justine ? Je me dis un peu moins que 5 ans, mais c'est tout. Ah, c'était encore un piège. C'est 6 ans. Ah oui. C'est un petit peu plus. Malheureusement, il est déjà l'heure que s'achève cette émission de Mi-Science Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez surtout pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez venir y poser vos questions et peut-être que nous y répondrons dans une émission future. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, donc le vendredi 11 juin, toujours à 16h, sur Radio Fadjet. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. À plus. À la prochaine.